RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 22h. 22h, chers Scream. Scream, Sylval et moi-même pour l'émission Riff. Riff d'enfer. Voilà. Sur le 95 FM. Voilà, RQC. Voilà, RQC. Alors en forme, les amis? Ah, bah, écoute, très bien. Oui. Oui, ça va bien. Voilà. Passe un bon petit week-end. Ah, bah, voilà. Alors, le temps que Sylval s'installe, aujourd'hui, on va démarrer encore une fois. Encore une fois, n'est pas coutume, hein, comme on dit comme ça. L'émission avec un hommage. Un hommage à John Wetton, qui était le bassiste et chanteur du groupe Asia. Oui, et aussi Quartz. Quartz, c'est aussi du groupe Erianip. Voilà, il en a fait énormément de groupes. Et on va lui rendre hommage avec Ear of the Moment, extrait de l'album Ten and No de Asia. On se retrouve tout de suite après, juste après ce petit hommage, les amis. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, string together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment showed in your eyes. Showed in your eyes. Voilà, c'était le petit hommage que nous voulions faire à monsieur John Wetton, qui nous a quittés la semaine dernière. Encore un bon musicos qui s'en va. Et oui, tout à fait. Musicos et chanteur en plus. Chanteur. Oui. Et il a fait énormément dans son milieu musical. Là, ce que vous entendez, c'est le petit canari. Il y en a partout aujourd'hui dans le petit canari. Ah, c'est pas moi, c'est toi encore une fois. Ouais, c'est toujours moi. Ben voilà, comme on dit, on aime bien les petits canaris. Alors, sinon, aujourd'hui, on aura bien entendu la Sylval Song, la Slasher Song, et bien entendu, tes titres que tu nous as choisis. Et bien entendu, tout au long de l'aventure musicale qu'on va faire pendant 2 heures, on aura bien entendu beaucoup de nouveautés, comme il se doit. Et peut-être que, comme d'habitude, on fera un petit concours. On fait un petit concours aussi à nos auditeurs du côté de Charleroi qui nous écoutent. Oui. Et aussi un petit coucou qui regarde en vidéo. Notre petit Spencer. Ah oui, pas la poupée, la marionnette. Oui, parce que sinon il va être vexé. Il va être vexé. Alors en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu les amis, il y a les dates qui commencent à tomber, enfin les groupes qui commencent à tomber aussi pour le Rhymefest. Exactement. Waouh, et là, ben, on va encore s'éclater au mois de septembre avec un bon petit festival que je conseille à tout le monde. Franchement. Ouais, c'est un bon festival hard rock, hein, hard rock voilà. Basé sur le hard rock, c'est sûr. Hard rock, rock années 70, et même des groupes encore actuels qui jouent. Mais tout je veux dire, faut pas espérer voir du trash ou du black à ce festival-là. Mais ils devraient peut-être mettre un peu de trash. Un peu de trash peut-être, oui. Peut-être. Ça ramènerait peut-être un peu plus de monde, ouais. Puis il n'y a pas de chance, à chaque fois il pleut. Ouais. Attention que l'année dernière, il faisait beau. Hein. Ouais. On était installés dans l'herbe et tout. Dans l'herbe et on a mangé des bonnes pizzas. Ah oui. Voilà. Allez, on va se retrouver tout de suite avec une page musicale, bien entendu. Ouais, on va sûrement se retrouver avec... on va se retrouver avec Apollo. Apollo, mais on ne va pas partir sur la Lune, on ne va pas partir dans l'espace, mais avec un nouveau groupe qui s'appelle donc Apollo, et l'album s'appelle Water Devil. Là, c'est toujours le canari. Et on va s'écouter différemment, on va dire. Voilà, tout à fait. Et on va s'écouter Liberate Yourself. C'est nouveau, c'est tout frais, et ça fait plaisir dans nos petites oreilles. Of the web will not travel in our dirty road. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce titre ? Ah, moi j'aime bien. Moi j'adore. Ah, j'adore ça. Bien, ah, ouais. Bon heavy. C'est du bon rock'n'roll. Non, rock'n'roll, allez. Oui, rock'n'roll, ouais. Heavy. Rock'n'roll. Hein. Ouais, voilà, voilà. Et en parlant aussi, ben, on parle un petit peu de festival. On va tout doucement aussi préparer, parce qu'il se doit, il y aura des gros festivals, des gros festoches où on va participer, normalement, si tout va bien. On ne sait pas où on sera d'ici là. Oui. Mais non, normalement, on fera encore nos émissions spéciales Alcatraz, nos émissions spéciales Lockersfesten, les émissions spéciales pour le Hellfest. Ah, le Hellfest. c'est des vacances pour le Slasher, le Hellfest. Oui, c'est des vacances. T'as une villa, t'as une piscine, t'as des métalleux. Ah non, il y a des métalleux. Non, il y a des danseurs. C'est pas un festival opéra. Aussi, c'est un rock opéra. Ça pourrait être un rock opéra. Ça pourrait. S'il y aurait Transsibéria, ça me ferait vraiment plaisir. Ils sont déjà venus. Ah, mais ça... Des grues sur scène, la pyrotechnie. Là, mais ça s'appelle un chantier. Oui, c'est un chantier. Allez, on va. Oui, il y a aussi Agnès qui nous écoute, qui elle est plus black, et qui nous dit il faudrait aussi peut-être au Rhymefest du black. J'ai justement notre ami Maurice qui nous proposait du black au Rhymefest. Ça lui ferait un peu. Un peu plus de... Ouais. Ben, il faudrait pour tous les goûts. Il faudrait pour tous les goûts. Mais alors, ce qu'il devrait faire, peut-être, Philippe, c'est peut-être faire sur 3 jours. Oui. Tu vois, à la place de faire, par exemple, le vendredi et le samedi. Faire peut-être samedi faire le dimanche. Vendredi soir, comme il fait, c'est la scène découverte. Il n'est pas obligé de mettre 10 groupes de black, hein, même un ou deux groupes, ouais. Et le dimanche. Je vais quoi. Faire aussi un petit coucou à Bakken. Voilà. Et c'est vrai que ça ramènerait peut-être aussi... du monde un peu pour tout le monde, mais je crois que c'est mais vraiment pour tous les goûts et les couleurs peut-être. Oui, ouais. Peut-être un peu comme certains festivals, un jour heavy, un jour black, un jour. Mais à mon avis, là c'est la 19e édition qui va avoir lieu au mois de septembre. On a vu la 20e. La 20e, à mon avis, il y aura quelque chose de spécial, quoi. Ça, j'espère. Hein, Mais moi je me suis toujours bien éclaté là-bas, quoi. Oui, nous on aime bien. Nous on est plus basé heavy et hard rock, c'est sûr. Mais bon, après, il n'y a pas que nous. Hein. Ouais. Mais le temps, c'est surtout ça. Ça. Dans le Nord, on est toujours tributaire du temps. Voilà. Allez, Brian Cole avec Turn to Me, c'est tout de suite. Et c'est extrait de l'album Sand of Time. C'est vraiment bien foutu aussi. Et puis après, on découvrira ton premier titre. D'accord. Oui. Waited patiently behind the scenes. Brian Cole avec Turn to Me, Sand of Time, c'est le titre de l'album et c'est vraiment, vraiment bien, bien foutu. Ouais. Donc retenez bien, c'est Brian Cole. Alors, tu vas nous passer quoi d'abord ? Alors moi je vais te présenter le groupe Black Diamond, donc c'est du hard rock. Oui. Ils viennent de Chicago, États-Unis. Bah écoute, j'ai pas grand chose à te dire sur eux, mis à part que c'est un bon petit groupe, un petit groupe qui démarre. Et le titre que je vais te présenter, c'est The Ghost and the Shadow. Waouh, wow. Tout un programme. Ouais. Black Diamond, ça doit coûter cher quand même, du diamant du noir. Du diamant noir. Ça doit coûter très cher. Ouais. Voilà, j'espère pour eux qu'ils gagneront autant que ce que le diamant doit coûter. C'est un petit groupe qui démarre pas mal. Voilà, donc, bon, en plus, dans la banlieue de Chicago, pour percer, c'est plutôt. C'est pas évident, Chicago. Ouais, c'est plutôt rap, R&B, exactement. Soul, donc, voilà. Eh ben, on va s'écouter ton titre et on se retrouve tout de suite après. Et on en profite aussi pour faire un coucou, peut-être, à notre ami Marco. Oui. Marco de Garage Days, bah oui. Hein. Voilà. Marco. Voilà. Et on remercie aussi tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent. Bien sûr, aussi tous bien les sur amis, la... ainsi de suite, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur la bande FM, sur la vidéo Facebook. Sur la bande, vidéo. Sur les ondes, partout. Oui, partout. Voilà. Allez, je te laisse annoncer. Alors, Black Diamond avec The Ghost and the Shadow. C'est parti. voilà, bah, c'est canon. Hein. Ouais. Donc c'était les Black Diamond, donc groupe de Chicago, avec le titre The Ghost and the Widow. Ben moi, Shadow, pardon, Widow, pourquoi? Wow, pourquoi dans la fenêtre? Pourquoi un fantôme dans la fenêtre? Ah ben ça peut se faire. Un reflet. Voilà, ça peut se faire. Un reflet, pourquoi pas. Donc le titre est bon. The Ghost and the Shadow. Et si vous êtes près de la fenêtre, ben, and the windows. Évitez les fenêtres ce soir, je ne sais pas pourquoi je le sens mal. On a peur des fenêtres. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la Slasher Song. Et là, tu nous as choisi quoi, Slasher? Ah, je vais choisir un groupe qu'on aurait... Valérie, à mon avis, et moi, on aurait rêvé de voir. Peut-être. Que toi, t'as déjà vu... Mon Dieu. Donc, c'est un excellent groupe. C'est un groupe, on va dire, de heavy metal... progressif et un peu de métal au classique, c'est Savatage. Ah ouais. Bah c'est excellent, il y a rien à dire dessus. Donc il y a une perte de membres. Je vais tous vous les citer. Pourquoi? Parce que Savatage, normalement ça n'existe plus vu qu'ils sont revenus pour le Wacken en 2015 je crois, mais bon c'est un peu voilà qui paye avec beaucoup de chiffres et qu'ils viennent pas dans d'autres trucs voilà. Donc c'est surtout qu'ils ont signé un contrat de confidentialité. Donc c'est à dire que le Wacken a dit vous venez jouer chez nous mais vous jouez que chez nous, voilà. Et se sont on va dire entre guillemets reformés comme ça pour venir jouer. Et bon l'argent appelle l'argent, faut pas se voiler la face hein, c'est tout quoi. Oui, donc dans les membres il y a John Oliva la guitare qui est un des fondateurs. Oui, de Savatage. Chris Caffrey à la guitare. Al Pitrini, un des Megadeth au cœur. Johnny Lee Middleton à la basse. Jeff Plate à la batterie. Chris Oliva à la guitare. Zach Stevens au chant. Qui est maintenant dans Circle to Circle aussi. Oui, Circle to Circle, que j'aimerais bien voir aussi. Mais qu'est-ce qu'il n'aimerait pas voir, le slasher? Je sais pas, à part... Il y a beaucoup de groupes qui nous restent encore à voir. Ouais. Moi, les crocs, je les ai pas vus. Tu les verras plus. C'est sûr. Black Sabbath aussi. Jamais. Non, ils ont fait leur dernière date ce week-end, je crois. C'est jamais aussi. Il y a Alex, oui, comme Scorpion et tout, qui disent qu'ils vont faire tourner d'adieu et qu'ils se reforment. Alex Skolnick. Skolnick. Val Scholes, Damon Ginia, Jack Frost, Kate Collins et John Zener. Et là, je vous ai choisi un de mes albums préférés, qui est leur dernier album, je crois, vu que celui qui est sorti en 2015, c'était Live au Wacken, justement. Donc c'est l'album Poet and Madman, donc qui est un excellent album, faut pas se voiler la face, et qui est sorti le 3 avril 2001. Voilà, c'était leur dernier album studio, et puis ils ont décidé d'arrêter, tout simplement, parce que John Oliva, lui, a sa période Trans-Siberian Orchestra. Oui. Et puis Zach Steven qui joue de l'autre côté. Mais déjà sur Poet of Madmen, c'est John Oliva qui a repris le chant parce qu'il était au départ chanteur dans Savatage. Ouais. Et voilà quoi. Bon. Et donc on va s'écouter tout simplement le titre Morphine Child. Voilà. Excellent. Okay. Une bonne dizaine de minutes de bonheur. Voilà, c'est parti. Donc pour ton choix qui est Morphine Child. Hop, c'est parti. Le slasher. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Thank you. thief on a summer's night across an ocean who sees another's life fading away. And of this life he writes without emotion, then pushes it from sight somewhere far away to a distant land. Every tear betrayed and never makes, and never makes, and never makes, and never makes a stand. Never makes a stand. Lord, there's something wrong. Never makes a stand. Stars, forgotten light, a child's devotion, embrace eternal night in shallow graves. As we watch from distant heights, no breath or motion, still every ghost must haunt in its own way. Sleep beneath my dreams, safe within my hands, where I never run. No one denies. No one asks questions. No one replies. Here nothing enters. Nothing departs. Here nothing's ended. If nothing starts. In your life, could you carry on? Could you never think about it? Till the time you start to doubt it, then you close your eyes. Is it really gone? How much can you defend her if you're really not remembering? No regrets if you just forget. If a memory is hanging, you can find it most convenient. So you let it fade till it's very vague. Just a silhouette of shadows, but the shadows are still lingering. Resolved in cause, never look. Extrait de l'album Poet of Madmen. Oh, oui. Franchement, ce je groupe. Je ne me remets pas encore du canon. Ouais, c'est un des groupes. C'est un des groupes les plus impressionnants en canon. En canon, oui. Oui, déjà, quand on les écoute sur album, par exemple Death Winter Days, des trucs comme ça, c'est des géniales. Faut se dire que si tu fais au moins une seconde ou une demi-seconde, que tu te plantes pendant tout le reste, et ouais. Ils sont moins. À beaucoup, à plus de deux, à faire ce canon monstrueux, et en live, à ce qu'il paraît, c'est beaucoup. Oui, je confirme. Voilà, je vais pas vous retourner trop le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que c'est... Moi, mon vœu, c'est qu'il puisse se reformer, mais comme le Slasher a fait sa petite enquête, comme tout le monde fait dans la préparation, il y a toujours trois membres qui se disent effectifs à Savatage. Peut-être qu'un jour, ils vont peut-être revenir sur le devant de la scène. Moi, j'aimerais vraiment bien. Allez. On va s'écouter The Murder of My Sweet avec Racing Hearts, mais juste avant. Enfin, jeu concours. Voilà. Allez, allez, allez, un petit jeu concours. Alors, moi, je peux jouer ? Bien sûr, Eric. moi, ma question, ça va être quel est le vrai nom entier et complet de mon cher ami Nikki Six ? Nikki Six. Nikki Six, bassiste de Motley Crue et bassiste de chez Six I Am. À mon avis, il y a déjà des réponses. Hein. Ouais, bon, on va regarder ça. Alors, on va s'écouter The Murder of My Sweet avec Racing Hearts et c'est extrait de l'album Echo of the Aftermath. C'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, c'était The Murder of My Sweet avec Racing Hearts. Voilà, bah, est-ce que vous entendez comme bruit? C'est le slasher qui arrête pas de... C'est le slasher qui se mouche, qui éternue. Qui est bruyant, franchement. Tu es malade, ouais. Faut avouer. Hein. Tu es malade, voilà. Alors, on va déjà donc, remettre les pendules à l'heure. Oui, les pendules à l'heure. Donc, Nikki Sixx, bassiste de Mötley Crüe et Six-I-Am. Donc, son vrai nom, c'est Frank Carlton Serafino Ferrana Jr. Donc, voilà. J'ai... Trois gagnants, je pense. On a eu trois gagnants qui sont tombés en même temps. Et nous, on n'aime pas de laisser un sur le côté ni rien. Hein. Donc, on a décidé de... Donc, on dit les noms. Donc, on peut dire... Maurice. Oui. Maurice gagnant. Félicitations, Maurice. Donc, Maurice, t'en fais pas. J'ai bien tes CD. Hein. C'est parce que je les ai oubliés de les prendre avec, avec moi ce week-end. Mais je les ai. Et à la prochaine virée, t'en fais pas... Je les mets dans mon sac ou dans ma voiture pour plus les oublier parce que ça fait pas sérieux. Mmh. Voilà, donc on a Maurice. Félicitations Maurice. D'ailleurs, comme disait une certaine publicité, c'est ta faute Maurice. alors on a aussi Yannick et on a aussi Phil. Donc voilà, vous avez tous les trois remporté parce que c'est en plus c'est tombé en même temps. C'est vraiment tombé en même temps et on n'aime pas d'en laisser un ou l'autre sur le côté. C'est ceux qui participent. On en a tellement à vous faire remporter. Voilà, et normalement, incessamment sous peu, on aura des réponses aussi pour vous faire gagner des places de concert. Voilà, ouais, voilà, Lou, on attend la réponse, on attend la réponse. Alors, félicitations à vous, donc voilà, maintenant vous savez comment s'appelle le bassiste de... l'ex-bassiste de Mötley Crüe. Ouais. Le bassiste de Six-I-Am. Voilà. Mais il est toujours. Ah oui. Six-I-Am existe toujours. Et le bassiste de Six-I-Am. Mais Mötley Crüe n'existe plus. Fut Mötley Crüe. Alors, on poursuit avec un titre que tu nous as choisi. Alors oui, donc le groupe s'appelle Faces Dancer. Voilà. Donc c'est du rock et ça vient de Baltimore, hein, toujours États-Unis, Baltimore. Ouais. Donc c'est du rock, voilà. Et le titre c'est Smash. Smash. Sex et match. Non, je rigole. Et l'album s'appelle Brave New Face. Voilà. Mais... Ça, je sais pas. Non, mais c'est parce que je le vois sous les yeux quand j'ai pigé ton titre, j'ai vu qu'il se mettait directement parce que la tablette recherche directement les titres d'albums, quoi. D'accord. Voilà. Et par contre, c'est sorti en 2016, donc. Mais nous, ça sort maintenant, quoi. Donc. C'est pressé, puis ça sort. Début d'année, quoi. Voilà. C'est ça aussi. Hein, ouais. Février, c'est encore le début d'année pour ceux qui ont sorti leur album. Tout à fait. C'est juste. Fin 2016, voilà. 2016. Et comme faisait remarquer le slasher, on n'a rien beaucoup à se mettre sous la dent, question de concert ni rien pour le moment, dans les gros groupes. On a bien terminé l'année et là, on redémarre tout doucement quand même. Hein. Voilà. On redémarre tout doucement. Oui, vu qu'il n'y a même pas eu, je crois, l'album de Chakra, vu qu'ils ont un rituel à chaque fois de sortir un album en janvier. Vu qu'il y avait même nos copains de Sidebump qui nous avaient dit normalement qu'ils avaient un album à sortir. Mais c'est sorti. L'album sort au mois d'avril. Oui, mais il devait sortir au mois de janvier, en fait, c'est ça le... Bah, c'est-à-dire qu'ils ont fini, mais le temps de passer dans la maison de disques et de trouver quelque chose de très bien... Voilà, c'est ce qu'ils nous avaient dit. Parce qu'à mon avis, ça va cartonner, mais alors méchamment. Oui. D'accord. Eh ben, on se réjouit. D'après les échos que j'ai, ça va être bien du méchant. Voilà. Notre ami Roland a fait fort. Ok, je te laisse annoncer ton titre. Donc, le groupe Faces Dancer, avec le titre Smash. Time, plow man, trace the good earth. A music man ain't never gonna amount to nothing good. Pack my bags, headed down the road. Didn't look back. No, no, no, no, no, no. Mama's in prime. We've all been in. Don't look now, you're headed for this. dust. Last year daddy died, I can still see mama cry. Somehow I never made it back home. No, no, no. Ben, c'était bien bon ça. Mm-hmm. Ah ben, c'est excellent. Ouais. Alors c'était Faces Dancer avec le titre Smash. Voilà, voilà, voilà. Alors on nous a demandé qu'est-ce qu'on gagnait. Ben, des CD, les amis. CD. Vous gagnez des CD qu'on vous enverra. On prendra comme ça dans notre petite, dans petit panier. Notre petite grotte où il y a la grotte au CD. Voilà, on peut appeler ça la grotte au CD. Et on vous enverra un CD. Alors c'est vrai aussi ce qu'Agnès nous a remarqué sur la page Facebook. Ce qu'il a dit aussi, c'est pas mal non plus, des petits concerts, que ce soit de black, toutes sortes de musique, des petits groupes qui méritent d'être connus. Bien et sûr. C'est vrai que ça aussi, il faut penser à aller les voir. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, pour le moment, on a très très peu... Non, on a pas mal de petits concerts. On n'a pas de petits concerts, mais si, je veux dire... on a pas mal. Hein. Mais... Ah, on en a beaucoup, là. Hein. Ouais, pour le moment. Ah oui. Hein. Bon, enfin, je sais... T'as le... Le Midland. T'as le Midland qui fait un concert ce week-end. T'as le Raid Studio à Douai vendredi, c'est gratuit. Samedi, t'avais les Drakkar qui jouaient avec Spirit et Gang. Mm-hmm. Non, t'as pas mal de trucs. Hein. Y a aussi en petit concert. En petit concert, mais je veux dire... Les entrées, elles sont pas chères, en plus 5 euros. On va dire là, c'est un peu plus gros. Il y a Clone aussi qui vient en février, ouais. À Cambrai. Il y a un petit line-up là. Mm. Et... ça doit être pas mal, Clone en session acoustique. Oui, si, ça peut être sympa, hein, ouais. C'est sûr. Mais bon, après, il faut aller voir les agendas concerts. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que par ça, on a toujours dit, et je maintiens ce que je dis. Mais après, nous, on ne peut pas être partout, quoi, c'est ça. Mais sinon, c'est sûr que... Si, ça tourne, alors. Il y a pas mal de petits concerts. Bah, c'est sûr qu'il y a des groupes qui méritent d'être encore plus connus. Et comme je dis, moi, c'est... Comme j'ai toujours dit, je me vale pas la face... Malheureusement, l'information, si on ne cherche pas soi-même, on trouve difficilement... Oui, bah on a eu la blague une fois avec une genre d'exposition là, sur les films. Enfin, ouais, voilà, on avait de grosses pointures, pour vous dire des grosses pointures, et on n'avait même pas été au courant. Le problème, c'est que l'information, des fois, ne suit pas si on ne creuse pas nous-mêmes. C'est ça qui est dommage, quoi. Avant... Et puis bon, il ne faut pas hésiter, quand on aime bien un groupe, d'inviter ses amis à liker la page et toujours d'aller voir. Bon, moi, j'ai beaucoup de demandes de likage de page. Bon, ben, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Bon, si ça m'intéresse, je vais dire oui. Si ça m'intéresse pas trop, bon, bah, c'est tout. Bah oui, c'est mais on regarde, on va voir avant de dire non, j'aime pas. Mais je veux dire, ce qu'il y a, c'est qu'avant, on avait encore voilà, des disquaires où on pouvait ramasser des flyers, où il y avait des affiches. Moi, je me rappelle. Très peu maintenant, il y en a qu'un sur Courtrai. Ouais. Et moi, je me rappelle d'un disquaire qu'on avait à Liège, je peux dire le nom, parce qu'il existait aussi sur Bruxelles, c'était Caroline Musique, où tous les concerts étaient affichés. On allait acheter des places de concert aussi bien pour des gros groupes que des petits groupes. Il y avait des flyers, on pouvait mettre en dépôt vente des places de concert. Et tout ça, maintenant, il n'y a rien. Si vous allez au petit magasin où il y a l'oiseau rouge, ils vont vous parler quoi des 10 commandements et tout ça. Ils ne vont pas vous parler du concert qu'il y a au bas de sa rue ou quoi. Et c'est dommage. Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partager les concerts de vos amis, ainsi de suite. C'est sûr, et d'aller inviter vos amis aux pages, ça c'est important. Et aussi, on vous invite aussi à regarder nos pages, nous, en tant que Rive d'Enfer, en tant que Slep, en tant que Bruno qui a son émission, et aussi à nos amis, là je cite Vaken, je cite Axel Meux, qui font des fanzines, où ils remettent aussi des dates de concert. Oui. Tout à fait. Voilà, donc c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut encore être informé de concerts, mais c'est un peu malheureux que maintenant, quand on va acheter son CD, il n'y a même plus un flyer à la disposition de quelqu'un. Quoi. Oui. Voilà. Mmh. Allez, on va s'écouter quelque chose qui va un peu réveiller. Si je vous dis que l'album s'appelle God of Violence, il y a un collector qui est sorti, un double collector avec l'album God of Violence et un live sur le deuxième CD. Il s'agit du nouveau Creator. Ah oui. Et on va s'écouter Satan is Real. C'est tout de suite, c'est maintenant. We'll be right back. très très très bien de se quitter comme ça avec un petit Larsen Lupin, créateur avec Saturn et Thrill, vraiment et superbe cet album. Hein. Ouais, voilà. Le gros collector qui est sorti, hein, comme je te disais. Un gros collector. Enfin, nous on voit, enfin moi je vois pas tellement ce genre de choses que nous les ressent en téléchargement généralement, hein. Mais à mon avis ça doit être Il est superbe. Une belle petite pièce. Déjà il y a le collector 2D de disques. Oui. Donc, celui qui peut se permettre, je le conseille. Voilà, surtout si vous êtes fan de Creator. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter encore un album qui est sorti. C'est un concert que j'ai oublié de mentionner, que je peux dire qu'il m'a botté. C'est Annihilator. Ah oui. Et Annihilator qui était venu au De Kruin. Et là, il a sorti un live qui s'appelle Triple Threat. Et on va s'écouter King of the Kill. Et après, ce sera la balade crapuleuse. Yeah! King of the Kill, c'était Annihilator, extrait de l'album Trip or Treat. Excellent. Excellent, ça me rappelle des bons moments, bons concerts. Après, tu parles de Sabaton, j'ai après tu parles d'Annihilator. Voilà. J'ai eu la chance nous, de les voir deux fois. Deux fois Annihilator, une fois à l'Alcatraz et une fois au Decrun. Ils vont sûrement revenir à l'Alcatraz. Hein, ça. Oui, évidemment, Annihilator. Annihilator, c'est pas une tournée d'adieu. Hein. Non, c'est pas une tournée d'adieu. Mais il y en a plein que c'est pas une tournée d'adieu. Hein. Slasher, t'es encore jeune, hein, t'es encore plus de chance que nous de voir plus de groupes que nous on voulait voir à ton âge, tu sais. Tout voilà. À fait. Il est l'heure de retrouver la balade crapuleuse. On a dépassé un petit peu notre timing. Il est 21h07 et vous êtes bien branchés sur RQC 95FM avec vous, Sylval et le Slasher pour l'émission. De 20h à 22h tous les lundis. Tous les lundis, peut-être, non, c'est sûr. Et là, j'ai décidé de prendre la balade. Et là, j'ai encore une fois pris Annihilator. Pourquoi ? Parce que il y a tellement que je l'aime. Non, c'est pas tellement que j'aime, c'est parce que c'est extrait de du double album Triple Treat. Mais ils ont fait la fameuse balade que j'adore, qui s'appelle Phoenix Rising. Mais c'est une version acoustique. Et je trouve qu'elle change un petit peu quand même. De la version habituelle de l'album, et je voulais vous partager cette balade là, donc de Annihilator avec Phoenix Rising, et après on retrouvera un titre de Sylval. Eh oui, ça donne faim, ça, menu découverte. Wishing that you were still here beside me. On my own, swimming against the tide. There's nobody on my side but your memory and your eyes. Right before my eyes, on wings that fill the sky, like a phoenix rising, like a phoenix rising. Wings on fire, tearing into the night, screaming into the light of another day. Carry me out of the hurricane and into the smoke and flame, and we'll fly away. And your eyes, right before their eyes, on wings that fill the sky, like a phoenix rising, like a phoenix rising. Higher, higher, hear the thunder roar from above. Fire, fire, fire, make me whole. Wings on fire, tearing. j'adore que j'adore. Bah effectivement, on te voit chanter. And we got that motherfucker with feel. Voilà. Bah, que j'adore cette version, franchement, de Phoenix Rising. Comme j'ai toujours dit, et c'est pareil aussi pour les groupes qui viennent ici en studio, j'adore quand un groupe, même qui fasse même du trash ou du black, ou n'importe, quand ils arrivent à jouer acoustique, moi ça me m'hérisse les poils sur tout le corps. Et oui, je suis poilu. Non, parce que franchement, c'est là qu'on reconnaît vraiment le musicos, quoi, qui arrive à faire passer son, sa musique en acoustique. Donc c'est. Voilà. Et surtout comme c'est... ça en direct. J'adore ça, quoi. Donc là, c'était Phoenix Rising, c'était la balade crapuleuse. Alors, Sylval. Oui, c'est à moi. C'est à toi, tout à fait. Donc, moi, je vais vous présenter le groupe Pride of Lions. Donc, c'est un groupe hard rock qui est formé depuis 2003. Et il a déjà 8 albums à. Déjà ouais. Oui, en 14 ans. Ouais, ouais, 8 albums. Eh ben. Donc voilà, donc c'est Pride of the Lions, c'est un groupe hard rock. Donc le titre, c'est In Caricature. Quelle caricature ! Enfin, on va s'écouter Pride of the Lions. Et je crois que, oui, il a déjà été mis en pochette sur le Rive d'Enfer. Il me semble. Il y a quelques temps, voilà. Parce qu'on ne peut pas jouer tout d'un coup, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sinon, il faudrait une émission d'un jour. De 24 heures. De 24 heures minimum. Tout à fait. Voilà, allez, on s'écoute ton titre. Alors, c'est le groupe Pride of the Lions. Et le titre, c'est In Caricature. C'est pas mal. Look inside, I've just been taken for a ride. I could break so easily, you could take advantage of me. I can't resist, I'm too far gone. This rebound love, it's much too strong. I see it all, the rise and fall, but I can't break free. Down at the carnival, there's always one guy sketching the faces of the passers. You're every girl that ever got away. Your hair in a twist, the line of your lips could lead this heart astray. I've been told be careful what you wish for. You might have hell to pay. You're more than you seem. Tonight I will dream in caricature. For you. Alors donc c'était Pride of the Lions avec le titre, je ne sais plus, In Caricature. Voilà. Ben moi je vais vous faire découvrir un groupe, on aime bien un peu tout ce qui est de l'esthétisme, de glam, ici aussi dans, dans Rive d'Enfer. Et il y a un groupe, si mes souvenirs sont bons, polonais, qui s'appelle Sleazy Rocks, oui. Parce qu'il y a beaucoup de X, avec une très belle pochette. Avec une très belle pochette que vous pouvez découvrir sur la page Rive d'Enfer. Et l'album s'appelle Topless Suicide. Oui, hein, qui se suicide en topless, pourquoi pas. Et on va s'écouter Catch the World. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Et vous pouvez nous dire ce que vous en pensez justement de ce titre. Ben, je vous l'avais dit, les amis, hein, ça pète quand même. Hein, c'est Sleazy Rocks avec Catch the World. Voilà, moi j'aimerais bien avoir la réaction des gens qui nous écoutent là ou quoi, nos amis habituels. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre, parce que l'album est dans le même acabit. Donc voilà, j'aimerais bien le savoir. C'est un groupe polonais incroyable. Ouais, c'est incroyable, on dirait pas. On serait un groupe californien de Los Angeles ou autre. Voilà, et non. Ah ben non. Et non, ben, j'espère qu'ils pourront tourner par chez nous. Ben justement, les amis. Vaken, Yannick, Phil ou quoi. Si vous avez écouté, ben envoyez un message et dites-nous franchement ce que vous en pensez. Il y a Kathleen qui nous redemande le nom du groupe. Ah, ben c'est Sleazy Rocks. Donc c'est sur la page Rive d'Enfer. Ouais, sur la page Rive d'Enfer. Sur la page Rive d'Enfer, elle regarde les couvertures que je mets généralement. Et puis il y a le podcast qui va se mettre. Qui arrive. Ouais, cette nuit. Cette nuit avec la liste de complète, quoi. Là, on va s'écouter encore quelque chose de pas mal. Ça fait mal au cul, comme on dit. C'est 20 Dark Seven avec Falling Away. L'album s'appelle Momentum. Et là aussi, ça fait très, très, très mal. Par où ça passe. Ben, je vous l'avais dit, ça fait mal par où ça passe. 20 Dark Seven avec Falling Away. Il est l'heure de retrouver la Sylvalsogne. Et la Sylvalsogne, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je vais passer un groupe que j'affectionne tout particulièrement, que je tiens le fan club français. Mm-hmm. Donc, je vais passer Garage Days. D'accord. Eh oui. à leur Garage Days, je passe le premier album, le titre I'm Your Hate, et je tiens à signaler que le troisième album va bientôt sortir. D'accord, bah, tout va sortir voilà, bientôt. Le troisième tout. Album est en route. Donc j'espère qu'ils feront une petite tournée, j'espère qu'ils passeront en Belgique ou pas loin de chez nous. Oui. Donc Garage Days, c'est un groupe autrichien. Autriche. Ouais. Autriche. Voilà, excuse-moi Sacheur. Donc voilà, ça bosse dur. Ouais. Ça dépense pas mal pour essayer d'y arriver. Alors ben j'invite tous nos auditeurs et auditrices d'aller faire un petit tour sur la page Garage Days et éventuellement d'aller voir les Garage Days du monde entier quoi, parce que tous les petits fans ils ont ouvert une page Garage Days Espagne, Garage Days Italie, Garage Days Allemagne, Danemark, ainsi de suite, et moi c'est le Garage Days France que je tiens. Voilà. Et c'est bien parce que C'est super. Comme tu l'as dit, c'est bien de signaler. C'est grâce à des gens comme toi qui bossent aussi tout derrière dans l'ombre que ces petits groupes peuvent avancer quand même quoi. Oui, tout à fait. C'est sûr que moi j'hésite pas à lancer des groupes. Voilà. Ok. Voilà. Montre un peu l'album devant nous. Voilà. Alors je recommence. Je vais remontrer la pochette de l'album Garage Days. Pour un peu qu'ils se fassent une idée justement de l'artwork. Voilà, et donc nous on a eu l'occasion de les voir, ils ont fait la première partie de Udo, on les a vus au De Creugne et on les a vus au Voreal, pardon. Voreal près de Paris, ouais. Oui. Et franchement c'est des gars super sympas qui ont un mérite. Ah qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Ah, ils ont le mérite. Vu que... Ils ont le mérite de travailler dur, comme on dit. Ah oui, ils ont le mérite. Hein. Voilà, qu'on voyait Monsieur Udo avec son bon bus et eux avec leur petite camionnette. Et encore, on a passé du temps agréable avec eux. Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, oui. Je te laisse annoncer ton titre. Alors, Garage Days avec le titre I'm Your Hate. All aboard! Yes, yes. Whoa! She's beautiful! And she looks wild! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. On the way. Voilà. Et ben voilà, c'était donc Garage Days avec le titre I'm Your Hate. Et ben voilà, donc on espère les avoir près de chez nous pour aller les revoir. Ben écoute, j'espère vite les revoir et éventuellement peut-être que Sarah sera là. Voilà, peut-être, oui. Oui, peut-être. Et on espère. Et on espère que recevoir l'album pour pouvoir vous faire découvrir cet album en avant-première. Ce serait pas mal. Tout à fait, oui, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on vous fera découvrir normalement en avant-première l'album, le new album de Garage Days. Yes. On va s'écouter un autre titre avec Personal. J'ai bien dit Personal, je ne l'ai pas fait exprès. C'est Personal War avec Voices. Et l'album s'appelle Inside the News Time Chaos. Comme par hasard, Chaos. Chaos. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là. C'est sur Rive d'Enfer. We'll be right back. Personal War avec donc le titre Voices. C'est bien, hein, c'est génial, ça. C'est oui, génial, c'est aussi. Ça bouge, bien. Ça bouge très bien. Très bien. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est un peu spécial. J'ai bien aimé. La pochette, elle est superbe. Vous la retrouverez sur la page Rive d'Enfer aussi. Encore une fois, je remercie tous les gens qui nous écoutent à travers le monde. Ça nous fait plaisir. Quand je dis à travers le monde, c'est pas vraiment prétentieux du tout. Hein. Non, c'est on a des messages de tout le monde entier. Colombie, Argentine, Autriche, Amérique. Ça fait vraiment plaisir. Aussi des Chantiliens. Si mes souvenirs sont cantiliens. Des cantiliens. Cantiliens. Autant pour moi plutôt. Alors, on va s'écouter Funeral Storm. L'album s'appelle Funeral Rite. Oui. Et on va s'écouter Martyr of the Lake. C'est spécial, mais je crois que ça va faire plaisir à certains et certaines qui aiment bien ce genre de choses. Mais avant ça, on a deux petits messages à vous faire passer. Salut, this is Fernando from Moonspell. And you are together with me on Riff d'Enfer. Rock on. C'est Rive d'Enfer, c'est Marcus et Spencer du Fernando Rock Show sur 95 FM. À toi, Spencer. Pardon, moi je suis trop vieux pour dire des trucs pareils. C'est Rive d'Enfer. Yeah. Voilà, donc le groupe s'appelle Funeral Storm avec le titre Martyr of the Lake. Voilà, c'est, comme on disait un petit peu avec Sylvain et le Sacha, ça nous fait penser un peu à nos amis suisses, question sampler et tout ça, un peu à Samael. Hein. Oui, bah exactement, si c'est vrai. Et un peu dans le mimétisme aussi de Moonspell, un petit peu dans cette un ambiance comme ça, voilà. Et ben, c'est ça, le groupe René, Funeral Storm. Et si vous voulez voir la pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer. Rive d'Enfer, oui, tout à fait. Voilà. Alors, Sylval, ton quatrième titre, c'est quoi? Alors, moi, je vais vous présenter le groupe connu, Gotthard. Oui. Ah, nos chouchous. Mais voilà. Donc là, elle a sorti, si je ne me trompe pas, son 17e album. Oui. Qui s'appelle Silver. Oui. Le titre que j'ai choisi, c'est Electrified. Mmh. Alors, n'oublions pas que Gotthard est un groupe suisse. Oui, suisse, nos amis suisses. Ah ouais. Suisse italienne un peu et suisse française. Ouais, tout à voilà, fait. Ben, suisse, ça touche Léo en Léonie général. Léonie et suisse italienne. Voilà, ça touche un petit peu comme nous, le nord de la France, avec la Belgique, Luxembourg et Allemagne. Oui. Donc, je reviens sur Gotthard, groupe suisse, et il a été fondé en 1992. Bien. Et oui. Donc, 17 albums. Et l'album, le dernier album, Silver. Et le titre que je vous présente, c'est Electrified. Voilà. C'est parti. C'est parti, les amis. Parti. Voilà, donc c'était... Alors, c'était le groupe Gotthard avec le dernier album Silver et le titre Electrified. Voilà, donc le prochain qu'on écoute, ben, on va s'écouter, on va partir du côté de là où il fait très froid, hein, au-dessus, là, tu vois, les fjords et tout ça. Et il y a le groupe qui s'appelle Valfria. Et l'album s'appelle Promised Land. Et on va s'écouter Odin Fury. C'est pas mal du tout. C'est une toute nouveauté. C'est tout frais. Et d'ici quelques minutes, vous allez retrouver la bande au Midnight Monkey Radio Show. Tout à fait. Voilà, donc c'était Valfreya avec Odin Fury. Odin est très furieux. Oui, il est très en colère. Voilà, c'était pas mal. Moi, je vois bien ça dans une bande originale de film aussi, sous le titre qu'on vient de s'écouter. Mm-hmm. Oui, exactement. Et, ouais, nous, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Malheureusement. Mais bon, il y a Minel Moki Radio Show qui va être là. Qui va reprendre la relève. Là. Voilà. Oui. Avec toujours, bien entendu, des surprises pendant 2 heures d'émission. Restez bien branchés à l'écoute de RQC 95 FM. Nous, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, tout à fait, la semaine prochaine. Pour une nouvelle émission avec plein de nouveautés. De nouvelles découvertes. Tout à fait. C'est ce qu'on nous dit, on a plein de découvertes à faire. Ah bah, c'est émission découverte, menu découverte, chez Rive d'Enfer. Voilà, chez Rive d'Enfer. Et même sur RQC en général. Oui. Car la programmation, c'est beaucoup de titres qu'on ne joue pas ailleurs. Et plein de styles différents. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Et aussi, je tiens à remercier, et encore une fois, toutes les personnes dans le monde entier qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous soutiennent. Aujourd'hui, on a eu la Colombie, on a eu tout ça. Ça nous fait super plaisir. Mm-hmm. Alors, les amis, restez bien branchés sur le 95 FM. Et d'ici quelques minutes, The Midnight Monkey Radio Show. On se quitte avec Solarus, Shattered Sky, extrait de l'album Réunion, si vous préférez.